croyez pas que je suis malheureux. Malheureux. Le RSA, non, y'a pas mieux. Y'a pas mieux. Je chie à la gueule toute l'année. Des profs, des flics et des banquiers. Couché sur mon transat, quoi que vous me payez. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Qu'il fasse beau. Le pinard, c'est ma météo. Météo. Rouge, blanc, rosé, c'est moi qui gère. Quand je veux danser, là, c'est la bière. Oh non, pourquoi s'en faire? Car couché sur mon banc, en cuvant mon vin blanc, je suis le seigneur de cette putain de ville. J'ai peut-être perdu la voix, oui, mais j'ai trouvé ma voix. Tous les parias chantent avec moi. Compte en banque, compte en banque. Moi je suis bien seul dans ma planque, dans ma planque. Tout le monde court après du fric. Moi je suis un clochard mystique, riche de sa musique. Les comptables sont jaloux de moi, loups de moi. Sur la route dans leur Fiat Panda, Fiat Panda. Ils me toisent en train de tease, ils me toisent et puis se disent, la misère ça dépayse, il est beau comme une église. Car couché sur mon banc, en cuvant mon vin blanc, je suis le seigneur de cette putain de ville. J'ai peut-être perdu la voix, oui mais j'ai trouvé ma voix, tous les parias chantent avec moi. Bien haut, peut-être, mais tout seul.